إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله. Donc on va continuer notre dars de Al-Irshad et aujourd'hui on explique Al-Iman de l'Yawm al-Akhir. On avait commencé la semaine passée et on continue là où on était arrivé la dernière fois. Donc le chef il dit que on était arrivé au point où le chef il disait كما أن الإيمان لهذا اليوم يحمل على الثبات عند لقاء الأعداء والصبر على الشدائد كما قال تعالى في قصة طالوت وجنوده حينما لقوا عدوهم الذي يفوقهم في الكثرة بعدما جاوزوا نهر الامتحان ولم ينجحوا منهم إلا القليل. قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Donc, le cheikh maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il mentionne les différents passages ou les différents contextes dans lesquels Allah SWT a mentionné la foi en l'au-delà ou la foi au jour dernier. Et là, dans ce point-là, il mentionne l'exemple où Allah SWT a mentionné la foi dans le jour dernier, quand c'est par rapport aussi au fait de rencontrer les ennemis et de faire preuve d'endurance lors des difficultés, d'accord. Donc le chef il donne comme exemple l'exemple de Talut, hein, c'est Daoud, le fils de Suleyman, le père Daoud, le père de Suleyman. Donc lorsque Daoud a rencontré son ennemi, eh ben il les a rencontrés alors qu'ils étaient peu nombreux et les ennemis étaient en très grand nombre. Et ça c'est parce que lorsque Allah SWT les a envoyés pour combattre les ennemis, eh bien, en premier, il leur a donné un paquet de tests pour voir lesquels d'entre eux allaient rester fermes sur le test. Donc, en premier, Allah SWT, comme test, il a fait Daoud passer près d'une rivière et il a dit à ses soldats de ne pas boire de l'eau de la rivière, excepté celui qui voulait prendre une poignée d'eau. Avec un peu d'eau avec sa main, le creux de sa main, il pouvait en boire une gorgée, puis après il continue dans son chemin, mais il ne s'arrête pas pour boire. Alors, peu d'entre ceux qui étaient avec lui ont passé ce test. Donc, le groupe qui était parmi eux, c'est-à-dire les croyants qui sont restés avec lui, étaient très peu nombreux par rapport à l'armée des ennemis. D'accord? Mais finalement, alhamdoulilah, ceux qui ont été patients et endurants, eux, ils sont arrivés devant l'ennemi, et Allah SWT a dit, et lorsqu'ils ont traversé, lui, ainsi que ceux qui ont cru avec lui, c'est-à-dire Daoud et ceux qui ont cru avec lui, certains parmi eux ont dit, on ne pourra jamais être capable de combattre par l'autre, Jalout aujourd'hui. Jalout, c'est-à-dire, lui qu'on appelle en français Goliath, hein, on sait que, c'était lui le chef de l'armée ennemie. Donc il dit on n'a aucune force aujourd'hui, on n'est pas capable d'affronter Jalout et son armée. Donc ça c'est un groupe parmi ceux qui étaient restés, qui avaient passé le test de la rivière. Et là, Allah a dit, parmi ce groupe-là, il y en a un groupe qui ont dit, combien de groupes, et ça c'est ceux qui ont eu vraiment la conviction en Allah, il dit, ceux qui ont eu la conviction qu'ils allaient rencontrer Allah, on dit, combien de petits groupes ont été capables d'avoir la victoire sur une grande quantité de soldats par la permission d'Allah. Et Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc, Allah a mentionné l'endurance reliée avec le fait de croire et d'être convaincu qu'on allait rencontrer Allah. Et ça, c'est un rapport avec la foi en le jour dernier. Après, le chef, il mentionne un autre exemple, il dit « كَمَا أَنَّ عَدَمَ الْإِيمَانِ بِهَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُ الْإِنسَانَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَعَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسَادِ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Le cheikh il dit, de même que la foi en ce jour-là, il mène le fait de ne pas croire en ce jour-là, ça mène l'homme à la mécréance et au péché. Et ça l'amène aussi également, et ça le pousse également vers l'injustice et la transgression et la corruption sur la terre. Et il mentionne le verset dans lequel Allah SWT il dit, ceux qui n'ont pas espéré en la rencontre de leur Seigneur et qui ont été satisfaits de cette vie présente et qui s'y sont sentis en sécurité et ceux qui ont été insouciants au signe de leur Seigneur. Ceux-là, leur destination sera le feu pour ce qu'ils auront acquis. D'accord? Donc, c'est quatre caractéristiques qu'Allah a donné, ou trois caractéristiques qu'il a donné à ceux qui n'espèrent pas en l'au-delà ou à la rencontre de leur Seigneur. Il a dit, Rabbi bil hayat dunya, ils ont été satisfaits. Moi, ça dit. Ils ont dit, Alhamdulillah, moi je suis content. Ils n'ont peut-être pas dit Alhamdulillah, mais ils ont dit, je suis content dans cette dunya, j'ai tout ce qu'il me faut, et pas de problème. Ils n'espèrent pas en la rencontre d'Allah. Watma'annu biha, ils se sentent en totale sécurité. Hein, ils ne pensent même pas que la mort va tomber sur eux un jour. Et wallazinahum an ayatina ghafidun, hein, ils sont insouciants, indifférent aux signes d'Allah, tous les signes que Allah a fait descendre, tous les rappels, toutes les choses qui ont rapport avec la religion d'Allah, ils en sont totalement insouciants et indifférents. C'est comme si ça rentre ici et ça sort de l'autre côté, ça ne les affecte en d'aucune façon même. Donc ça c'est la caractéristique de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont des kuffars. Et ceux-là, leur destination est l'enfer. Après, il mentionne un autre verset dans lequel Allah SWT a dit « إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ » Ceux qui se sont égarés du chemin d'Allah SWT, ils auront un dur châtiment parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. Ils ont oublié le jour des comptes, c'est-à-dire le jour dernier. Un autre verset dans lequel le chef dit « إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا » C'est-à-dire Allah les décrit, ceux qui n'ont pas cru, comme étant des gens qui n'espéraient pas en un compte. Hein, le jour où on aurait à rendre des comptes à Allah pour qu'est-ce qu'on a fait ou pour qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire pour qu'est-ce qu'on a fait de mal et pour qu'est-ce qu'on n'a pas fait des ordres et des obligations qu'Allah nous a donné. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Et ils ont traité de mensonges nos versets. D'accord? Donc ça c'est des caractéristiques des gens qui ont refusé de croire au jour dernier. وَقَالَ تَعَالَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah SWT donne la caractéristique des gens qui n'ont pas cru au jour de la rétribution, au jour dernier. Hein? Il dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. C'est celui qui repousse l'orphelin. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres, et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres. Donc, lorsqu'on veut savoir les caractéristiques de ces gens-là, souvent par exemple, on voit les koufars qui disent par exemple, ceux qui n'ont pas cru en Allah, ils disent, mais si Allah existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Et pourquoi il y a de l'injustice et de la guerre? Et pourquoi il y a des enfants qui meurent ou des choses de ce genre? Et, yani, subhanallah, Allah dans ce verset-là, il nous montre qu'en réalité, ceux qui n'incitent pas à nourrir les pauvres et à s'occuper des orphelins et à les nourrir et tout, eh bien c'est ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection et qui ne croient pas qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si en réalité, la raison pourquoi il y a ces gens-là qui sont pauvres et ces enfants-là qui meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de s'occuper de ces pauvres-là et de leur donner de ce que Allah nous a donné, de la richesse. Hein. Donc, une personne qui vit dans la luxure, qui gagne des millions ou des milliards et qui possède des richesses incalculables dans cette dunya et qui sait que des gens sont en train de mourir de faim à chaque jour, à chaque minute et qui, malgré ça, laisse crever des gens comme ça sans même s'en soucier. Est-ce que cette personne-là peut dire qu'il a cru réellement au jour de la rétribution, au jour où il devra se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes? Donc, on voit que, par exemple, des grosses compagnies, par exemple, qui font beaucoup de profits, des milliards de dollars de profits, d'accord? Et puis, qui font ouvrir des manufactures ou des industries dans les pays les plus pauvres au monde, et qui font opprimer des gens qui sont très très pauvres de cette façon, et qui, par la suite, disent, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a des pauvres? Subhanallah! C'est une contradiction. Parce que s'ils croyaient vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient fait en sorte que ces gens-là aient quelque chose à manger. D'accord? Et c'est ce que Allah nous ordonne. Il nous ordonne de s'occuper de ces gens-là. Donc, il doit y avoir une certaine consistance dans leurs arguments et il ne doit pas y avoir une contradiction entre leurs paroles et la réalité de leurs actions. Et ça, c'est une chose que Allah nous ordonne de faire ici. C'est-à-dire de s'occuper des pauvres et des enfants orphelins. Sinon, et ça, c'est si on croit réellement au jour de la rétribution. Après, le cheikh il dit, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّقَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالِاسْتِعْدَادِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُنْجِي مِنْ أَهْوَالِهِ قال تعالى, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hein, le chef il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous protéger de ce jour-là, du jour de la rétribution, en nous préparant par des bonnes œuvres. Et c'est en faisant ces bonnes œuvres-là qu'on sera, inshallah, protégé de toutes les épreuves et les choses effrayantes qui nous attendent ce jour-là. Le cheikh il mentionne comme exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et craignez le jour où vous serez retournés tous à Allah et où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a accumulé, selon ce qu'elle a acquis, et ils ne seront point lésés. » C'est-à-dire, ils ne seront point, on ne leur fera aucune forme d'injustice. Aucune forme d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans un autre verset, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وهم لا ينصرون. Ça signifie quoi? Ça signifie, et craignez le jour où aucune âme ne bénéficiera à une autre en rien, et où aucune compensation ne sera acceptée, et le jour où aucune intercession ne pourra aider quiconque, et où ils ne seront pas secourus. Et dans un autre verset, Allah SWT a dit, وَخْشَوْ يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَالَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Shaykh dit, et craignez le jour où le père ne répondra pas pour son fils, et le jour où l'enfant ne pourra rien non plus pour son père. Et la vérité, et la promesse d'Allah est véridique. Alors, ne vous laissez pas tromper par cette vie présente, la vie de la dunya, cette vie de ce bas monde, et ne laissez pas al-ra'ur, c'est-à-dire le trompeur, le shaytan, ne le laissez pas vous tromper au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَعْنَاهُ تصدق بكل ما بعد او تصدق او تصديق بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وبالبعث بعد ذلك والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنه والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامه. Donc de croire au jour dernier, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de croire en tout ce qui est après la mort. Comme par exemple le châtiment de la tombe et ses délices, et de croire également à la résurrection après la mort, et au jugement, et à la balance, et à la récompense et à la punition, au paradis et à l'enfer, et à tout ce que Allah a décrit en ce qui concerne le jour de la résurrection. Et le cheikh il dit, « وَسُمِّيَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لِتَأْخُرِهِ عَنِ الدُّنْيَا » وله اسماء كثيره في القران منها. Donc le cheikh il dit que on a appelé le jugement dernier, le jour dernier, on l'a appelé comme ça parce que c'est le dernier dans cette dunya, et par contre il a beaucoup d'autres noms dans le coran, et le cheikh il en mentionne 22 différents noms, et il explique chacun de ces noms qu'est-ce qu'il signifie. Il dit premièrement yawm al-ba'th, le jour de du rassemblement ou de la résurrection. Et c'est le jour où les gens seront rassemblés après la mort. Donc c'est pour ça qu'il a appelé Yom al-Ba'th, Yom al-Khuruj. Ça c'est le deuxième nom qu'il a mentionné. C'est le jour de la sortie. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où les hommes sortiront de leur tombe vers une nouvelle vie. Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où, parce que al-Qiyamah ça vient du Qiyam. Et ça veut dire qu'il y a de se tenir debout, d'accord? Donc, le cheikh il dit, لِأَنَّ فِيهِ قِيَامُ النَّاسِ لِلْحِسَابِ. C'est-à-dire ce jour-là, tout le monde sera debout. Hein? Imaginez, subhanallah, ici, dans cette dunya, quand on fait une file d'attente, lorsqu'on est en train d'attendre debout pour aller quelque part ou pour attendre quelque chose, un service ou quelque chose, une chose quelconque, on reste debout parfois 10 minutes ou 20 minutes, et puis déjà on est fatigué, on a mal aux jambes, et puis on aimerait pouvoir s'asseoir, d'accord? Alors que le jugement dernier, il veut, d'après ce qui a été dit par le professeur, 50 000 ans. Alors, c'est un seul jour, mais sa durée est comparable à 50 000 ans, et le soleil est à proximité des terres, hein, et il y a des gens qui seront dans leur sueur jusqu'aux genoux, et d'autres seront dans leur sueur jusqu'à la taille, et d'autres seront dans leur sueur jusqu'au cou, et d'autres seront dans leur sueur jusqu'au nez, même ils vont se noyer dans leur sueur. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que c'est un dur jour très difficile, et c'est un jour où on devra rester debout, personne ne pourra s'asseoir. Hein? Donc c'est pour ça que Allah l'a appelé Yawm al-Qiyamah. Il y a un autre nom aussi qu'il mentionne, c'est Yawm al-Din. لأن فيه إدانة الخلائق ومجازاتهم على أعمالهم. Le jour qu'on appelle Yawm al-Din, hein, Maliki Yawm al-Din, dans Surat al-Fatiha. Hein, le maître du jour de la rétribution. Pourquoi? Parce que c'est le jour où chacun sera récompensé selon qu'est-ce qu'il a fait d'action. C'est pour ça qu'Allah l'a appelé Yawm al-Din. Yawm al-Fatl, c'est un autre nom qui signifie le jour où toute chose sera tranchée, hein, toute chose sera tranchée entre, en toute justice. Allah va trancher en toute justice entre les hommes. لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل. le chef il mentionne un autre nom, c'est Yawm al-Hashr, لأن فيه جمع الخلائق وحشرهم في موقف الحساب. Yawm al-Hashr, c'est-à-dire le jour où tout le monde sera rassemblé dans un seul endroit pour être jugé. C'est ça que ça signifie, al-Hashr. Et Yawm al-Jam, c'est la même signification à peu près, le jour du rassemblement, du regroupement. Tout le monde va être regroupé. Yawm al-Hisab, le jour des comptes, où les gens seront tenus pour compte de tout ce qu'ils avaient fait dans cette dunya. Numéro 9, Yawm al-Wa'id, le jour où la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala sera établie pour les non-croyants, pour les kafirim. Yawm al-Hasra, le jour de al-Hasra, degré? Ah, regret, oui, c'est quelque chose dans ce sens-là. Yawm al-Hasra, parce que fihi, li'anna fihi hasratul kafirin, les kuffars auront des regrets pour tout ce qu'ils auront pas fait dans cette dunya et tout ce qu'ils auront fait de péché, Yawm al-Hasra. وإنه لحسرة على الكافرين. الله يجزي هذا القرآن. يجزي أوسي أنوثنو في يوم الخلود، لأن الحياة في هذا اليوم حياة خالدة أبدية. في لجور كالله سبحانه وتعالى أبل يوم الخلود، تدري لجور دو ليترنيتي. باسكو أبخي سجور لا تدري يا بلو دو مور. كل مون فيفرا سوا إترنالمون أو باردي سوا إترنالمون أن أنفير. Numéro 12, الدار الآخرة, لأنها بعد دار الدنيا وهي دار باقية ليس بعدها انتقال إلى دار الأخرى. La maison de l'au-delà, de l'après-vie. Et c'est après la vie de cette dunya. Et après cette dar, après cette maison-là, il n'y en a plus d'autres, donc c'est pour ça qu'elle est appelée la dernière demeure. C'est ça, دار الآخرة, la dernière demeure. دار القرار, un autre nom aussi. Dar al-Qarar, c'est-à-dire le jour où la maison ou la demeure de l'établissement, où toute chose sera établie, et c'est-à-dire tu restes là-bas et c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir. لِأَنَّهَا إِسْتِقْرَارُ الْإِسْتِقْرَارُ الدَّائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَلَا انْتِقَالٍ. Dar al-Khuld, la maison de l'éternité, encore une fois. Al-Waqi'a, l'étahakuki wuku'iha. Al-Waqi'a, l'événement, le jour de l'événement, quelque chose qui va arriver et qui va être établi. Al-Haqqa, un autre nom pour le jour dernier. Li'annaha tahakku, ou tahakku, كل مجادل ومخاصم بالباطل بمعنى تغلبه. Donc الحاقة c'est comme si c'est le jour de la vérité. Et toute personne par exemple qui était disputeur ou qui aimait argumenter dans le faux, ce jour-là il va être écrasé par ce jour-là, parce que c'est le jour dans lequel toute vérité va être claire et va apparaître clairement à toute personne. Même si dans cette vie certaines personnes était trompé par certaines idées ou par certaines croyances fausses, par exemple tous ceux qui croyaient par exemple que Isa c'était le fils de Allah subhanahu wa ta'ala ou que c'était Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ce jour-là ils vont voir et ils vont comprendre réellement que Isa c'était pas le fils d'Allah et que c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'était un serviteur d'Allah et que c'était un messager. Et ceux qui croyaient pas en l'enfer et qui ne croyaient pas au paradis, ou qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ce jour-là, ils vont voir clairement qu'ils étaient dans l'erreur, dans cette dunya, pour avoir refusé de croire en ça. Donc c'est Al-Haqqa. Al-Qari'a, un autre nom de Al-Akhira, c'est, il y a même une surah dans le Coran qui s'appelle Al-Qari'a. Ça signifie le fracas. Le fracas. لِأَنْهَا تَقْرَعَ الْأَسْمَاعَ وَالْقُلُوبِ بِأَهْوَالِهَا. Elle fracasse le cœur et les oreilles avec tout qu'est-ce qu'elle contient de terreur et de crainte, de qu'est-ce qui va arriver à ce jour-là. Al-Ghashiya, celle qui enveloppe. Lima yajri fiha min ghashiyan min ghashyanin am lithaqalayn. Donc elle va envelopper tous les hommes et les djinns. At-tamma, le cataclysme. Li'annaha taghlibu wa tafuqu ma siwaha min ad-dawahi. Elle va dépasser tout autre cataclysme qui est déjà, qui est jamais arrivé dans cette dunya. Al-azifa, c'est-à-dire celle qui est proche. لأنها القريبة سمي بذلك إشعارا بقربها بالنسبة إلى عمر الدنيا. Elle est appelée la, celle qui est proche, ou le jour qui est proche. Pourquoi? Parce que elle est proche par rapport à la vie qu'on a vécue dans cette dunya. Même si on s'imagine qu'elle est loin. Allah سبحانه وتعالى il dit إنهم يرونها بعيدة ونراه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Donc les hommes eux ils la voient loin, alors que nous on la voit proche. Et lorsque les gens vont être ressuscités, ils vont, il y en a si quelqu'un leur demande combien de temps vous êtes resté, combien de temps vous avez attendu, ils vont penser que ça a duré juste une après-midi ou qu'ils ont seulement attendu quelques minutes. Donc ils n'auront pas l'impression d'avoir attendu longtemps dans dans leur tombe pour que le jugement dernier soit établi. Et ça c'est, et ça c'est quelque chose même qu'on est capable de d'imaginer, parce que si aujourd'hui on pense à tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on est capable d'y penser comme si ça faisait seulement 5 minutes de se coucher. Et ça aussi c'est des choses. Subhanallah. Donc ça c'est des exemples qui nous font voir que c'est exactement comme ça, exactement au jugement dernier. On n'aura pas eu l'impression d'avoir attendu des années. Donc c'est pour ça que Adam, alayhi salam, s'il est mort, même si ça fait des une grande période de temps qu'il est mort, eh ben lui aussi la même chose comme celui qui est mort en dernier, il n'aura pas eu l'impression d'avoir attendu des milliers d'années comme ça, mais seulement quelques minutes, quelques après-midi, de cette façon-là. Donc c'est pas comme on pourrait penser. Le chef dit qu'un autre des noms aussi, c'est Yawm Sarabun, le jour de la perte. Yawm Ahl al-Jannah, Yarbununa Ahl al-Nar. Yawm Sarabun, le jour de la perte. Et c'est parce que les gens du paradis vont, vont voir la perte des gens de l'enfer ou quelque chose comme ça. Après, je sais que c'est la traduction qu'ils ont donnée dans la traduction du Coran en français. Après, un autre dénom, c'est Yom Tanad, le jour de l'appel mutuel. Allah SWT l'appelle comme ça dans Surat Ghafir. Yom Tanad, c'est le jour où les gens vont s'appeler mutuellement. Les gens vont s'appeler mutuellement, c'est-à-dire وينادي بعضهم بعضا وينادي أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة وينادي أصحاب الأعراف. Les gens ce jour-là vont s'appeler, premièrement, toutes les ummas, les différentes nations vont se faire appeler par leurs dirigeants ou par leurs chefs, par leurs prophètes. وينادي بعضهم بعضا, chacune d'entre elles, chacune des nations vont s'appeler les unes les autres. Et également, les gens du paradis vont appeler les gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont appeler les gens du paradis. Et les gens de l'Araf vont appeler également les gens du paradis et les gens de l'enfer. Donc, c'est un jour où les gens vont s'appeler. Et les gens du paradis vont poser des questions aux gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont demander des choses aux gens du paradis, etc. Et tout ça, c'est décrit dans plusieurs versets dans le Coran. Donc, ça, c'est les 22 noms que le chef a mentionnés pour nous faire voir que Yawm al-Qiyamah, il a plusieurs noms. Et chacun de ces noms-là a une signification qui montre quelque chose de, des particularités de ce jour-là. Ensuite, le cheikh, il parle de la mort. Il dit al-Mawt. Wa min muqaddimati al-Yawm al-Akhir, al-Mawt. Wa huwa al-Qiyamah al-Sughra. Parmi les choses qui précèdent la vie après la mort, c'est-à-dire Yawm al-Akhir, le jour dernier, les choses qui précèdent le jour dernier, il y a la mort. Et en quelque sorte, c'est la petite résurrection, ou c'est la petite résurrection dans le sens que elle arrive même si c'est pas le jour dernier, mais c'est ton jour dernier. chacun d'entre nous, on a notre jour dernier propre à nous, c'est-à-dire notre mort. D'accord? Beaucoup de personnes, par exemple, disent, ah, c'est pas la fin du monde maintenant. Donc, on a du temps pour faire ce qu'on veut, puis profiter de la vie, parce qu'on n'a pas vu les signes du jugement dernier, les grands signes et tout. Donc, c'est pas grave, on peut vivre et faire ce qu'on veut. Mais, personne connaît l'heure de sa propre mort. Hein? Donc, c'est pour ça que, ça, c'est notre jugement, notre jour dernier à nous. Et c'est pour ça que, étant donné qu'on connaît pas l'heure de ce jour-là, il faut toujours être vigilant. Cheikh dit, والقيامة الصغرى هي وفاة كل شخص عند انتهاء أجله وبها ينتقل من الدنيا إلى الآخرة. Donc, le Cheikh dit, et cette petite résurrection, ou le, c'est pas nécessairement une petite résurrection, mais disons ton jugement dernier à toi, ton petit jugement, et ton petit jour dernier, c'est ta mort et la mort de chaque individu et la fin de sa vie. Et à cause de, et à partir de ce moment-là, à partir de sa mort, il se déplace et il déménage vers de la dunya, il part vers l'akhirah. Et donc, pour toi, une fois que tu es mort, eh bien, c'est comme si, à partir de ce moment-là, déjà, c'est comme si ton jugement était déjà commencé. D'accord? Et puis, c'est comme s'il a déjà, tu commençais déjà à voir l'invisible. Hein? Parce que du moment où tu meurs, tu vois des, tu commences à voir les anges. Hein? Tu vois, tu commences à voir, ta place au paradis ou en enfer. Donc, tout de suite, également, donc, c'est comme si, en réalité, ça y est, c'est fini pour toi, ton test est terminé, et là, tu vois le rêve. Tout ce en quoi tu doutais dans cette vie apparaît. On dit, les salafs ont dit que cette dunya, c'est le champ de la boue de l'au-delà. Dans le sens que, toi, dans cette dunya, qu'est-ce que tu fais? C'est comme un cultivateur, tu sèmes tes graines, tu travailles. Et la récolte, c'est quand? C'est dans l'akhirah, c'est dans le, après la vie. Donc, si tu as bien travaillé, tu as bien fait ton travail, tu as travaillé fort sur ton champ, eh bien, tu vas récolter ce que tu sèmes, ce que tu as semé. C'est de là même qu'on peut, que vient le proverbe, tu récoltes ce que tu sèmes. Hein? Donc, alhamdulillah. Donc, le cheikh, il commence à expliquer un petit peu plus maintenant au sujet de la mort. Il dit, وقد ذكر الله العباد أو ذكر الله العباد بالموت ليستعد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة لأنه إذا جاء ختم عمل الإنسان وهو لا يقبل التأخير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقه وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup mentionné à ses serviteurs au sujet de la mort, il en a beaucoup parlé, et dans le but de les faire se préparer avec les bonnes œuvres, et dans le but de les appeler à la repentance des mauvaises actions qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui avez cru, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ça, c'est-à-dire qui se laisse distraire par les choses de cette dunya et par ses enfants et par toutes les jouissances de la vie, et qui se laisse distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là sont les perdants. Et un tirou, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est donné, hein, de ce que nous vous avons donné comme subsistance, hein, partagé avec les gens, donné en au monde, faites la charité, donnez de ce qu'on vous a donné comme subsistance, avant que vous vienne la mort, ou avant que vienne à l'un d'entre vous la mort. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Pour pas qu'on soit dans la position où on va dire, « Oh mon Seigneur, si seulement tu m'avais laissé un petit peu de temps, ou que tu m'avais prolongé ma vie jusqu'à un temps proche, dans le but que je puisse, par exemple, donner en aumône ou en charité, et pour que je sois parmi les pieux. Hein? » Par exemple, quelqu'un qui meurt alors qu'il n'avait pas respecté les ordres d'Allah SWT, qu'il avait négligé les ordres d'Allah SWT, lorsque viendra la mort, il va avoir les remords et il va souhaiter qu'Allah SWT lui remette dans cette vie, lui redonne, même si c'est 10 minutes seulement, ou une heure ou quelque temps, juste pour qu'il puisse revenir pour pouvoir faire les œuvres qu'il avait négligées. Et pour qu'il soit parmi les pieux, et Allah SWT, il dit, et on ne va pas retarder la mort d'aucune âme lorsque son terme est arrivé. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Donc, une fois que ta mort est arrivée, c'est terminé. Allah SWT dit dans un autre verset, « فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » Alors, cette heure-là, lorsque son terme est arrivé, il ne va pas être avancé d'une seconde ni reculé d'une seconde. Yani ton heure et ton terme sont déjà prédestinés avant même que tu sois créé, et donc lorsque ce terme arrive, c'est fini. On ne va pas l'avancer d'une minute, on ne va pas le reculer d'une minute. Ça y est, c'est ton heure qui arrive. Et Allah, il a parlé de ça dans le Coran, au sujet des gens qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont dire, ils vont souhaiter par exemple qu'on les fasse revenir, dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si on les avait fait revenir, ils seraient revenus à ce qu'ils faisaient de péché. Comme la première fois. Ce sont des menteurs. D'accord? Donc, Allah SWT, il sait très bien la réalité des êtres humains. Il a, celui qui a créé les hommes, et il connaît ce qu'ils ont dans leur âme. Et il sait ce que chaque âme, lui suggère. Il connaît ce que, l'âme de l'homme lui suggère. Hein? C'est-à-dire, suggère de passion, de désir, ou des choses de ce genre. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت toute âme goûtera à la mort والموت هو القيامة الصغرى وقيام الساعة هو القيامة الكبرى. Le cheikh dit le verset d'Allah SWT dans lequel Allah SWT dit chaque âme goûtera à la mort, peu importe quelle âme, elle va goûter à la mort. Hein? Même si un homme a vécu 900 ans ou 1000 ans, il va quand même goûter à la mort. Et Allah SWT, il dit par exemple au sujet des Juifs, il dit, يَوُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ. Allah SWT, il dit, un d'entre eux souhaiterait même vivre jusqu'à 1000 ans. Mais même s'il vivait toute cette longueur de temps, ça ne le sauverait en rien du châtiment de l'enfer. Hein? Le fait qu'il vive plus longtemps, ça va pas changer sa destination. S'il n'a pas cru en Allah SWT, et en ses messagers, et en ses livres, hein. Par la suite, le chef, il dit que la mort, c'est le petit jugement. C'est ton petit jugement, le petit qiyama, tandis que l'heure du jour, la dernière heure, le qiyam sa'a, c'est le grand qiyama, c'est-à-dire le qiyama, le kubra, le jour dernier. Le cheikh, il dit ensuite, il cite les paroles du cheikh l'islam ibn Taymiyyah. Il dit, وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Le cheikh il dit que, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah il dit que Allah il a mentionné dans une seule et même surah le petit et le grand qiyama. Comme dans surat Al-Waqi'ah. Donc il a parlé au début de cette surah, il a parlé du grand qiyama. Et dans 15 minutes, ouais. D'accord. Donc, il a parlé du grand Qiyama, et dans la fin de ce verset, il a parlé du petit Qiyama. Donc, il mentionne le début de surat Al-Waqi'ah. Il dit, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ lorsque le grand événement se produira. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ personne ne pourra le démentir, le nier, ce jour-là. Personne pourra dire, c'est pas un qiyama. Cet événement-là, elle va élever des gens et elle va rabaisser d'autres. Elle va élever les minimes et elle va rabaisser les kafirins. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةِ lorsque la terre sera secouée violemment. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةِ et que les montagnes seront réduites en miettes. فكانت هباء منبثا et qu'elles seront transformées en de la poussière éparpillée. وكنتم ازواجا ثلاثة et que vous serez divisés en trois catégories. Et là, il mentionne les trois catégories. المقربون ceux qui seront rapprochés d'Allah. واصحاب اليمين les gens de la droite. واصحاب الشمال les gens de l'enfer. Donc, Al-Muqarrabun, ce sont les plus rapprochés d'Allah parmi les mu'minines. Ashab al-Yamin, ce sont les mu'minines, mais qui ne sont pas aussi élevés que les premiers. Et Ashab al-Shimal, les gens de l'enfer. Le chef dit, « ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت وأنهم يكونون ثلاثة أصناف بعد الموت فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit, puis par la suite Allah ta'ala a mentionné dans la fin de cette surah, surah al-Waqi'ah, il a mentionné la mort en parlant du petit qiyama, et que également, même au moment de la mort, ou après, non, même après la mort, Allah a mentionné qu'ils seront en trois catégories après la mort. Donc il dit, le verset dans lequel Allah s'en parle, il dit, « فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ » lorsque l'âme arrivera à la gorge, lorsqu'il est en train de sortir du corps, وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِنْ تَنْظُرُونَ et que à ce moment-là vous êtes en train de le regarder, c'est-à-dire la personne qui est en train de mourir. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ et nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous sommes plus près de lui que vous-même qui êtes en train de le regarder, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ mais vous ne voyez pas. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ pourquoi donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas cru qu'il y avait des comptes à rendre, Allah il pose la question, si vous ne croyez pas qu'il y a des comptes à rendre, alors pourquoi donc vous ne le refaites pas venir, son âme, ou vous ne la refaites pas revenir, rentrer encore une fois dans son corps, hein, si vous êtes capable, hein. Essayez de le faire revivre, si vous êtes capable. Hein, donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, il veut se moquer de ses kuffars et il veut en même temps montrer leur faiblesse et leur incapacité hein, de contrôler la mort et de contrôler la vie. Et que c'est quelque chose qui les échappe. Et que malgré, peu importe les développements ou l'avancement de la science, hein, et qu'ils sont capables de prolonger mécaniquement la vie d'une personne, mais ils sont pas capables d'empêcher la mort. Hein? C'est-à-dire avec des moments mécaniques, mais lorsque la mort arrive, c'est Allah qui l'a décidé. C'est-à-dire, si cette vie-là elle est prolongée, c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait prédestiné que cette personne allait être branchée sur ses machines et qu'il allait être resté branché jusqu'au moment où ils vont le débrancher. Hein? Exactement. C'est Allah. Il y a la mort clinique, comme les phares ont divisé la mort en deux, la mort clinique, la mort cérébrale. Hein? Lorsque ton cerveau est mort, ça y est, c'est mort. Mais si ton cerveau est encore, t'es capable de réagir encore, mais que tes organes ne fonctionnent plus par elles-mêmes, ça c'est, eux ils ont pas, ils appellent ça la mort clinique. D'accord? Mais en tout cas. Allah, que ce soit la mort clinique, la mort cérébrale, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle la vie et c'est lui qui contrôle la mort. Et puis, tous ces moyens de faire prolonger la vie, quand on observe réellement, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce que dernièrement, ma mère était en soins intensifs à l'hôpital. Et puis, moi j'allais souvent la visiter et je voyais comment il l'avait branché à un paquet de machines pour contrôler la pression, pour contrôler nettoyer le sang et d'autres machines. Et je me dis, subhanallah, imagine si on était dans le désert aujourd'hui et qu'elle avait cette maladie et qu'elle ne pouvait pas avoir tous ces appareils. C'est sûr qu'elle ne serait pas branchée là-dessus parce que dans le désert, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ces fonctions-là. Donc aujourd'hui, on a réussi à prolonger la vie avec toutes sortes de machines. Mais en réalité, quand on réfléchit réellement, on voit que c'est vraiment des choses superflues. Puis des fois, ça prolonge la vie, mais on regarde la réalité de la personne qui est branchée dans ces machines-là, puis on voit que ça lui enlève sa dignité en tant qu'être humain. Mais si on sait que la personne, il y a un espoir pour qu'elle vive, alhamdoulilah, c'est pour ça qu'ils ont demandé la question au Cheikh Al-Fawzan, Rahimallah, au sujet de brancher une personne pour ces machines-là. Ils ont demandé au cheikh si une personne a été pluguée sur ces machines-là pendant très longtemps et puis qu'on n'a pas d'espoir réel que la personne revienne et que quelqu'un d'autre a besoin de cette machine-là plus que lui. Est-ce qu'on doit le débrancher? Et le cheikh a dit que Hayat Kibar al-Ulama, ils ont fait une fatwa à ce sujet-là. Et ils ont dit que dans ce cas-là, oui, on doit débrancher la personne et on doit donner cette laisser profiter quelqu'un d'autre de cette machine si elle en a plus besoin que lui. Donc, Wallahu a'lam. Donc, pour terminer juste, donc pour terminer l'explication, le cheikh dit, donc si ce sont des gens parmi ceux qui sont rapprochés, alors repos et grâce et un paradis rempli de délices. Et si ce sont parmi les gens de la droite, alors paix sur vous de la part des gens de la droite. Mais si ce sont parmi les gens qui ont nié et qui ont été égarés, et qui se sont égarés, fanuzulun min hamim, ils seront placés dans de l'eau bouillante, wa tathliyatu jahim, et on les brûlera dans l'enfer. Donc on va arrêter ici aujourd'hui. Donc alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va continuer la semaine prochaine, inshallah.